Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Les fossiles. Nous venons de dire que, pour résoudre les graves et délicates questions que soulève le darwinisme, il faut se placer sur le terrain de l'observation. Sous ce rapport, les fossiles vont nous offrir un admirable champ à exploiter, tant pour remonter à l'origine des choses et des temps que pour suivre les différentes phases qu'a traversé notre planète. Mais donnons la parole à Cuvier. C'est aux fossiles, a-t-il dit, qu'est due la naissance de la théorie de la Terre. Sans eux, on n'aurait peut-être jamais songé qu'il y ait eu, dans la formation du globe, des époques successives et une série d'opérations différentes. Eux seuls, en effet, donnent la certitude que le globe n'a pas toujours eu la même enveloppe, par la certitude où l'on est, que les animaux ont dû vivre à la surface avant d'être ensevelis dans la profondeur. Ce n'est que par analogie que l'on a étendu au terrain primitif la conclusion que les fossiles fournissent directement pour les terrains secondaires, et, s'il n'y avait que des terrains sans fossiles, personne ne pourrait soutenir que ces terrains n'ont pas été formés tous ensemble. Puisque telle est l'importance des fossiles, c'est par leur étude qu'il nous faut entrer en matière. Mais d'abord commençons par bien indiquer ce qu'on doit entendre par « fossile ». On donne le nom de fossile à tout corps ou vestige de corps organisé, animal ou végétal, enfoui naturellement dans les anciennes couches du globe. Les fossiles sont donc les représentants des espèces, éteintes aujourd'hui pour la plupart, qui formaient la faune et la flore du monde antédiluvien. On les a divisés en terrestres, fluviatiles ou marins, suivant que les individus auxquels ils ont appartenu vivaient à la surface du sol, dans le lit de certains cours d'eau ou au sein des mers. Tantôt ils se sont conservés en nature et très légèrement modifiés. Tels sont la plupart des ossements que l'on extrait des cavernes les plus modernes, tels sont encore les insectes, que l'on trouve comme enchâssés dans les résines, qui les ont admirablement préservés de la putréfaction, tels sont aussi certains mollusques, appartenant aux terrains récents, et même aux terrains anciens, qui ont gardé intactes les couleurs vives et nacrées de leurs coquilles. D'autres fois, au contraire, les fossiles sont plus ou moins altérés et comme corrodés par le temps et les agents physiques, ils pourront même offrir une friabilité telle qu'ils représenteront moins un os qu'une poussière osseuse. Souvent aussi ils sont passés à l'état de pétrification, c'est-à-dire que, la forme extérieure s'étant conservée, les éléments organiques primitifs ont disparu et ont été remplacés par des substances minérales étrangères, telles que la silice et le carbonate de chaux, leur dureté rappelle alors celle du marbre. Mais ce ne sont pas seulement les parties constituantes des animaux qui représentent les fossiles, la géologie a utilisé au même titre certains résidus de leur digestion que, par euphémisme, elle a désigné d'un nom grec, ce sont les coprolites. Cet étrange fossile n'est pas celui qui a rendu le moins de service à la science, en ce qu'il a fait connaître le genre de vie des animaux par la nature de leurs aliments. Les naturalistes ont tiré, de même, très avantageusement partie des sortes de moules que certains corps organisés ont laissés quelquefois après eux dans les détritus argileux ou pulvérulents qui sont venus les envelopper après leur mort. Il suffit de les remplir de plâtre pour obtenir la reproduction exacte de l'être vivant dont ils ont conservé l'image. C'est le procédé usité aujourd'hui à Pompéi à l'égard des moules formées par les cendres du Vésuve autour des victimes de la terrible éruption de l'an 79 de notre ère. Disons encore, à propos de ces moules, qu'il n'est pas jusqu'à l'empreinte des pieds de certains oiseaux, de certains reptiles de l'ancien monde, conservés sur l'argile et le sable, qui ne fournissent de même aux géologues d'utiles indications. Ces empreintes, que le temps a durcies et transformées en grès, ont quelquefois suffi pour indiquer l'animal qui les imprima. C'est ainsi que le chasseur distingue très bien, à l'aspect des pas laissés sur la neige, la nature et l'espèce de gibier qui les a tracés. De ces diverses empreintes, la plus facile à reconnaître est celle des tortues. Qu'on me permette à ce propos une simple réflexion. Combien de conquérants ont ravagé le monde, couvert la terre de ruines et fait couler des torrents de sang, dans le but de perpétuer le souvenir de leurs exploits, et dont tout a péri avec eux, tout, jusqu'à leur nom. Et voilà qu'une pauvre tortue, égarée et comme perdue aux confins du globe, fait quelques pas sur le sable, fuyant peut-être un danger imaginaire, et ces pas se trouveront gravés en caractères ineffaçables pour être transmis aux âges les plus reculés. Mais revenons à nos fossiles. Il n'est pas jusqu'aux gouttes de pluie tombées sur le sol dont on invoque au besoin le témoignage, la dessiccation du sable ayant transformé leurs vestiges en grès solide et cohérent. Enfin, les sillons creusés par les eaux dans le lit des mers primitives, certains débris de vers aquatiques, fourniront encore aux géologues de précieux documents. Je citerai, comme spécimen, une carrière de grès exploitée à Chelindray, Haute-Marne. Tout y est si parfaitement conservé, malgré l'extrême antiquité de sa date, qu'on se croirait en face d'une plage actuelle de l'océan, au moment du reflux. Tels sont les principaux fossiles sur lesquels j'ai cru devoir appeler l'attention. Peut-être trouvera-t-on que je suis entré à leur égard dans des détails un peu trop circonstanciés, il n'en est rien. Telle particularité, en apparence assez futile, et précisément celle qui contribuera le plus aux grandes solutions. Application des fossiles à l'histoire du globe. Nous voici arrivés à l'application des fossiles à l'histoire du globe. C'est là une science entièrement moderne, tout ce qu'on en avait dit jusqu'alors n'ayant été qu'une sorte de roman. C'était surtout les fossiles des grands animaux qui en faisaient les frais, par suite des méprises dont ils étaient l'objet, de là tant de légendes relatives à de prétendus géants. La tradition, par exemple, qui attribuait à Achille, à Ajax et à d'autres héros du siège de Troie, une taille de 20 pieds, se rattachait sans nul doute à la découverte d'ossements antédiluviens faussement rapportés à notre espèce. N'assurait-on pas, du temps de Périclès, avoir trouvé dans le tombeau d'Ajax une rotule de la grandeur d'une assiette? C'était probablement la rotule d'un mammouth. Mais, sans remonter si loin, on a bien fait hommage à notre muséum du prétendu squelette de Totobocus, roi des Cimbres, qu'on a reconnu plus tard être celui d'un mastodonte. Sans doute les vrais savants furent loin de montrer toujours une crédulité aussi naïve, mais, d'un autre côté, les explications dont ils se contentaient ne valaient pas beaucoup mieux. Ainsi ils ne voulaient voir dans ces divers objets que des « jeux de la nature », c'était le mot consacré, il avait même pris les proportions d'un terme de science et avait cours comme tel. Il a fallu, dit Fontenelle, qu'un potier de terre qui ne savait ni latin ni grec osa, vers la fin du XVIe siècle, déclarer dans Paris, et à la face de tous les docteurs, que les coquilles fossiles étaient de véritables coquilles déposées autrefois par la mer, que les animaux dont on apercevait les empreintes ou les ossements au milieu des roches avaient appartenu réellement à des espèces disparues, et qu'il défiait hardiment toute l'école d'Aristote d'attaquer ses preuves. Ce potier de terre était Bernard Palissy, le même qui a créé et porté si loin l'art des émaux. C'est à lui, on peut le dire, que la géologie est redevable de ce qu'elle est actuellement une science, et une science de premier ordre. Mais les idées de cet étonnant génie ne furent guère remarquées à l'époque où elles parurent, ou plutôt elles ne le furent que pour être l'objet des plus amères critiques. Ce n'est que près de 100 ans plus tard, c'est-à-dire vers la fin du XVIIe siècle, qu'elles ont commencé à se révéler, et, pour me servir d'une expression de Fontenelle, à faire la fortune qu'elles méritaient. Daubenton, l'un des premiers, prouva que les grands ossements fossiles découverts à différentes époques avaient appartenu à des espèces animales dont il essaya vainement, comme il l'avoue lui-même, de recomposer le squelette. Il était réservé au génie de Cuvier d'élucider enfin ces graves et difficiles questions, et d'ouvrir ainsi la voie à tout un nouveau monde. Ce fut le premier pluvios de l'an 4, jour de la première séance publique qui est tenue l'Institut depuis sa fondation, cette date mérite d'être conservée, que l'illustre naturaliste lut, devant ce corps savant, son premier mémoire sur les espèces d'éléphants fossiles comparées aux espèces vivantes. La phrase par laquelle il termine ce premier mémoire renferme en germe tout ce qu'il a découvert depuis. Qu'on se demande, dit-il, pourquoi l'on trouve tant de dépouilles d'animaux inconnus, tandis qu'on n'en trouve aucun dont on puisse dire qu'il appartient aux espèces que nous connaissons, et l'on verra combien il est probable qu'elles ont toutes appartenu à des êtres d'un monde antérieur au nôtre, à des êtres détruits par quelques révolutions du globe, à des êtres dont ceux qui existent aujourd'hui ont rempli la place. Mais, pour transformer en un résultat positif et concluant des vues si vastes et si élevées, il fallait rassembler de toutes parts les dépouilles des animaux perdus, les étudier toutes sous ce nouvel aspect, les comparer l'une après l'autre aux dépouilles des animaux vivants, il fallait, en un mot, créer l'art même de cette comparaison. Que de problèmes à résoudre, que de difficultés à vaincre. Que l'on se représente, dit Flourens, ce mélange confus de débris mutilés et incomplets, recueillis par Cuvier, que l'on se représente, sous sa main habile, chaque os, chaque partie d'os allant reprendre sa place, allant se réunir à l'os, à la portion d'os à laquelle elle a dû tenir, et toutes ces espèces d'animaux, détruites depuis tant de siècles, renaissant ainsi avec leurs formes, leurs caractères, leurs attributs, l'on ne croira plus assister à une simple opération anatomique. On croira assister à une résurrection, et, ce qui n'ôtera rien au prodige, à une résurrection qui s'opère à la voie de la science et du génie. Ainsi s'exprime Flourens. Telle est en effet la merveilleuse précision créée par Cuvier, qu'on a vu souvent ce grand homme, reconnaître un animal par un seul os, une seule facette d'os. On l'a même vu déterminer des genres nouveaux, des espèces inconnues, d'après quelques fragments osseux, reconstruisant ainsi l'animal en entier et le faisant renaître, comme à volonté, de chacune de ses parties. Or, plus d'une fois des fouilles postérieures ont fait retrouver le corps de l'animal dont, par sa seule intuition, il avait donné très exactement le dessin. C'est que, comme nous le verrons bientôt, toutes ces premières populations du globe se distinguaient par des caractères propres, et souvent par des caractères aussi étranges que bizarres. Ainsi donc la science guidée par le génie a pu remonter jusqu'aux époques les plus reculées de l'âge du monde, et les fouilles ont éclairé l'histoire des anciens temps, absolument comme la découverte des cités longtemps ensevelies d'Herculanum et de Pompéi a éclairé l'histoire de l'ancienne Rome. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.